Le Palais des sciences et techniques a abrité les premiers et deux courants, le 18e séminaire de Pyongyang sur la médecine des Coréens, de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Y étaient présents les fonctionnaires, scientifiques et enseignants du secteur de la santé publique, le vice-président de l'Association des médecins coréens au Japon et la délégation des médecins coréens des États-Unis. L'assistance a suivi le cours sous thème de la progression brillante du travail sanitaire socialiste du nouveau centenaire du Jeté, sous la direction imminente des camarades Kim Jong-un, avant de présenter des dissertations sur la médecine nationale et la santé publique. Les diplômes sont remis aux dissertateurs.